deux fois moins de travailleurs pour financer les pensions, par exemple. On nous dit les pensions sont infinançables. Il y a de plus en plus de pensionnés par rapport aux actifs, et on ne parle jamais des gains de productivité réalisés qui font qu'il faut deux fois moins d'actifs pour produire la même chose. Et donc, il faut deux fois moins d'actifs pour financer les pensions. Donc ça, ce sont des faux débats. Pas rentrer dans ce schéma-là. Il faut sortir du cadre. Pas nous dire qu'il faut 3% de croissance pour distribuer les gains de productivité. Il faut 2% de croissance pour créer de l'emploi. Soit on prend la décision politique, on a la volonté politique de créer de l'emploi de qualité, de redistribuer les gains de productivité, soit il n'y a pas de volonté politique. Le pognon, les richesses, elles sont là, elles sont quelque part, le rapport d'Oxfam met bien sans lumière, et donc c'est la volonté politique de le faire. Sortons du cadre, ne nous laissons pas brûler le cerveau en nous disant tel ou tel modèle nous dit que c'est pas possible, alors on ne peut pas le faire. Ça, c'est, faut sortir de ça. Micro ouvert. Deux fois moins de travailleurs pour financer les pensions. On nous dit les pensions sont infinançables. Il y a de plus en plus de pensionnés par rapport aux actifs. Hein, ça, c'est la phrase habituelle. Il n'y a pas assez de travailleurs pour les gens, pour les vieux, quoi, en gros. Hein. Il y a trop de vieux par rapport aux gens qui travaillent. Et on ne parle jamais des gains de productivité réalisés qui font que il faut deux fois moins d'actifs pour produire la même chose. Et donc, il faut deux fois moins d'actifs pour financer les pensions. Bon, ça, c'est un truc qui est dit comme ça, boum, et c'est dit par Jean-François Tamellini, secrétaire fédéral de la FGTB. Alors, FGTB, ça veut dire Fédération Générale du Travail en Belgique, et c'est là tout de suite dans le micro ouvert. Alors, on peut entendre aussi Bernard Friot, qui est professeur émérite de l'Université Nanterre à Paris 10, qui, lui, a vraiment développé cette idée de salaire à vie. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vous invite vraiment à essayer de comprendre cette idée. Bon, c'est pas lui qui l'a développée, hein, elle existe. Cette idée, elle est là, en cours de route. Mais ça a été stoppé un peu comme ça, mais tout est là en fait. C'est une manière de regarder l'économie, de raconter les choses, de l'idéologie aussi. Et donc je vous invite à aller voir Usul, qui est un gars qui fait des petites capsules vidéo YouTube, mais vraiment bien foutues, sur plein de thématiques, quoi, pour mieux les comprendre. Et donc entre autres, il a fait le salaire à vie, Bernard Friot, Usul. Et ça dure une trentaine de minutes. Et franchement, avec cette petite capsule vidéo, vous comprenez mieux les enjeux du salaire à vie. Voilà, et donc le salaire à vie, ça c'est pour Bernard Friot. Il dit par exemple, je vous invite à vous poser la question, pourquoi on parle de dépenses de santé alors que l'on ne parle pas de dépenses d'automobile ? On parle de production automobile. On parle de production d'informations, pas de dépenses d'informations. Pourquoi est-ce que l'on dit dépenses de santé et non pas production de santé ? Il dit aussi les travailleurs ont été capables de mettre en place un appareil de santé qui repose sur une propriété d'usage. Il n'y a pas de propriété capitaliste. Enfin voilà, je ne vais pas tout développer là maintenant parce que les choses se répètent, les choses se disent dans le micro ouvert. Mais il y a aussi Marie Lenska qu'on pourra entendre, secrétaire générale de la CSC, Confédération des syndicats chrétiens. Jean-François Tamellini, je l'ai déjà dit, secrétaire fédéral de FGTB. Et puis Cédric Leterme qui est membre de Riposte CTE, chômeur, travailleur engagé. Qui a lui vraiment, je trouve aussi une pensée qui est un peu, comment dire, ça, pas neuve, mais qui est fine, qui est intelligente, qui sort un peu de cette idéologie dominante du capitalisme. Hein. On voudrait être contre le capital et pour finir, on adopte quand même un discours ou une manière d'être qui fait qu'on est quand même pour le capital. On est baigné dedans en fait depuis qu'on est tout petit, hein, ça commence à l'école. Et donc voilà, On s'écoute ça. Alors, dire aussi que Micro Ouvert, c'est une émission de radio tous les vendredis de 16h à 17h sur Radio Campus Bruxelles, 92.1 FM. Mais dire que c'est la deuxième partie de ce Micro Ouvert. Il y a une première partie où il y a moyen de l'écouter sur un site qui s'appelle microouvert.be. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc oui, les deux os se touchent, microouvert.be. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et vos oreilles aussi, parce que c'est pas mal de sons. Donc il y a des articles, vous cliquez sur lire l'article, et puis il y a un petit player qui vient s'installer après 5 secondes, genre. Aujourd'hui, je suis là pour essayer de vous sensibiliser. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir d'emmener des familles avec vous, de les sauver. Nous sommes en danger. Pour rien, pour un plan injustifié, injustifiable. On attend de vous, actionnaires, de prendre en main cette société. Cette société, c'est les salariés qui l'ont fait. Ce n'est sûrement pas vous. S'il vous plaît. Sans vous, vous ne serez rien. Ça n'est pas une plateforme de déclaration, monsieur. S'il vous plaît, cessez, monsieur. Pour remettre les choses en place. Monsieur, cessez, s'il vous plaît. 24 000 euros par jour. Cessez, monsieur. Nous allons continuer. Cessez, s'il vous plaît. Monsieur, ça suffit. Autre question. Panneau numéro 3. Arrêtez. Bon, faites sortir ce monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Élise Lucet, évacuez ce France monsieur, 2. S'il vous plaît. Élise Lucet, France 2, cache investigation. Je suis aussi titulaire d'une action Sanofi. C'est une question qui s'adresse à Monsieur Wiebarer. Les actionnaires vont valider aujourd'hui votre rémunération, Monsieur Wiebarer, avec 8 648 326 euros. Vous êtes le patron le plus heureux, mais aussi le mieux payé de France. Votre augmentation sur un an est de plus de 15%. Vous gagnez 508 fois le SMIC par an, 508 fois le SMIC par an. Dans le même temps, les résultats de Sanofi baissent. Il y a eu, on l'a entendu à l'instant, des milliers de suppressions de postes ces dernières années, depuis votre arrivée. Est-ce que votre rémunération, justement, de plus de 8 millions d'euros, ça n'est pas trop au vu de ces résultats et aussi du contexte actuel? Est-ce que ça n'est pas déplacé? Merci d'une réponse aussi précise que pour les questions précédentes. Merci infiniment. Merci beaucoup. À tous les quatre. Nous avons vu apparaître dans les interventions une sorte de clivage assez classique entre deux visions. Hein. La première qui pousserait plutôt pour la restauration de la société salariale avec la revendication du plein emploi. Avec la question, ces deux visions qui rejoignent un peu les deux options hein, dont parlait Jean-François, peut-on continuer à croire au retour à un emploi de qualité, des bons horaires, des bons salaires, des bonnes prestations sociales? Peut-on continuer à y croire? C'est un peu ça. Et prôner alors la réduction collective du temps de travail pour un meilleur partage de l'emploi, au pire, des richesses au mieux. Après, justement, la deuxième vision, c'est une vision qui est anticapitaliste et qui l'affirme, et plutôt vers une société qu'on pourrait appeler post-salariale, sans emploi et sans employeur. Qui pose la question, est-ce que la mobilisation pour l'emploi est obsolète? Et est-ce qu'on doit passer, en fait, au stade de la revendication en s'émancipant du rapport salarial? Et là, évidemment, c'est la revendication de la réduction collective du temps d'emploi que tu viens d'évoquer. Donc, il me semble que là, il y a des options qui sont assez clairement définies. Et voilà, étant donné les interventions qui viennent d'avoir lieu, je pense qu'il est important que chacun des intervenants puisse revenir, puisse discuter ces deux options et surtout. Ne pas se lamenter, mais bien justement penser à quelles seraient les possibles revendications et stratégies politiques pour créer des alternatives, dans l'option 1 ou dans l'option 2, mais un petit peu insister sur la stratégie politique, puisque je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi et que ce n'est pas le syndicat l'ennemi a priori, c'est qu'au contraire, justement, la question, c'est celle des revendications et des stratégies. Voilà. Oui, important. C'est vrai que j'oubliais, je voulais justement rappeler. Est-ce qu'il y a des questions déjà qui sont...